Chapitre 5e. Le monde invisible ne se démontre pas, il s'affirme. Les uns y croient parce qu'ils le voient, les autres n'y croient pas parce qu'ils ne le voient pas. Tel est le double fait que nous tenions à signaler, et tous les raisonnements du monde n'y changeront rien. Il serait temps qu'on cessât de raisonner, ou plutôt de déraisonner sur ce sujet suprarationnel. C'était l'avis du grand positiviste Littré. Il se peut, a-t-il répété plus d'une fois, que le monde invisible existe. Mais comme il échappe par sa nature même à toute investigation scientifique, nous n'avons le droit ni de le nier ni de l'affirmer. Contentons-nous de l'ignorer. Recommandation pleine de bon sens dont il lui fallut tenir compte dans la pratique. Et c'est ce que Littré n'a pas fait. La tentation lui venait toujours de franchir la barrière et il ne serait pas difficile de le trouver dans ses ouvrages tantôt avec les spiritualistes, tantôt contre eux, suivant l'inspiration du moment. Il n'est pas le seul qui se soit rendu coupable de cette inconséquence. Presque tous les partisans du naturalisme scientifique rompent des lances en faveur des doctrines matérialistes. D'où leur vient cette étrange démangeaison de métaphysique? Pourquoi ne se bornent-ils pas à étudier les mystères de la nature si leur esprit est satisfait? Pourquoi dans leurs ouvrages les plus étrangers à la religion sont-ils hantés par cette préoccupation bizarre de combattre le spiritualisme? Si les choses invisibles ne sont que fantômes, que ne les mettent-ils résolument de côté pour n'y plus penser? Il nous paraît que là est précisément le triomphe du spiritualisme. L'homme le plus décidé à ne s'occuper que du comment des choses est poussé par une force irrésistible à s'inquiéter du pourquoi. Ce point d'interrogation se dresse au bout de toutes les avenues où le conduit la science. Il s'en irrite, il proteste, mais cette éternelle protestation est la preuve même de son embarras en présence d'une question qu'il voudrait nier et qui toujours s'impose à lui. Il ne voit pas le monde invisible et il ne croit pas au monde invisible, mais il est fait pour y vivre et vous le verrez inquiet aussi longtemps qu'il n'y sera pas entré. Au milieu de ses succès et de ses triomphes, ni cet univers qu'il a subjugué, ni ses organisations sociales qu'il a établies, ni ses lois qu'il a proclamées, ni ses besoins qu'il a satisfaits, ni ses plaisirs qu'il diversifie ne suffisent à son âme. Un désir s'élève sans cesse en lui et lui demande autre chose. Il a examiné, parcouru, conquis, décoré la demeure qui le renferme, et son regard cherche une autre sphère. Il est devenu maître de la nature visible et bornée, et il a soif d'une nature invisible et sans bornes. Il a pourvu à des intérêts qui, plus compliqués et plus factices, semblent d'un genre plus relevé. Il a tout connu, tout calculé, et il éprouve de la lassitude à ne s'être occupé que d'intérêts et de calculs. Une voix crie au fond de lui-même, et lui dit que toutes ces choses ne sont que du mécanisme, plus ou moins ingénieux, plus ou moins parfait, mais qui ne peuvent servir de terme ni de circonscription à son existence, et que ce qu'il a pris pour un but n'était qu'une série de moyens. Benjamin Constant, de la religion. Le vrai but de l'homme, il y en a qui le voient et qui en savent le chemin. Ne pouvant argumenter, n'ayant pas de preuves rationnelles à fournir dans un sujet qui n'en comporte point, leur rôle est d'affirmer la vérité. De l'affirmer non par des paroles seulement, mais par des actes. Jésus-Christ, que je ne veux envisager ici que comme le prince des spiritualistes, Jésus-Christ n'argumentait pas. Il ne semble pas que la pensée lui soit venue de fournir des preuves de l'immortalité de l'âme ou de l'existence de Dieu, quoiqu'il y eût des athées et des matérialistes parmi les habitants de la Judée romaine. Représentant du monde spirituel, il se contentait de vivre comme si le monde spirituel était une réalité. Tout mêlé qu'il fût aux affaires humaines, il se tenait constamment dans la région sereine de l'invisible, et c'était là le vrai moyen de le traduire à l'usage de ceux qui ne le voient pas. Au reste, les matérialistes ne sont pas pour la plupart tellement aveugles qu'ils ne se trouvent dans leur âme les rudiments d'un organe visuel. Il en est peu, qu'il n'ait des moments lucides, des clairvoyances passagères, quand les circonstances s'y prêtent. La nuit, par exemple, quand le silence s'est fait dans la nature, disposant au recueillement, et que les ténèbres dérobent au regard le monde des phénomènes sensibles, l'œil spirituel s'ouvre et des lueurs de l'invisible descendent jusqu'à lui. Certaines pensées que le matérialiste ne se connaissait pas surgissent dans son cerveau. Malgré lui, il entre, il s'enfonce dans les profondeurs de cet univers inconnu où des voix l'appellent, où des images confuses s'offrent à ses regards, où des souvenirs lointains semblent se réveiller en lui. Mais il résiste à l'appel d'en haut, alors la porte se referme, la vision s'évanouit. Je n'y saurais songer sans crainte et sans espoir. Malgré moi, l'infini me tourmente, et quoi qu'on en ait dit, ma raison s'épouvante de ne pas le comprendre et pourtant de le voir. » Alfred de Musset, dans « Espoir en Dieu ». D'autres fois, cette clairvoyance passagère se produit dans une de ces heures de crise où l'organisme est secoué par quelques violentes émotions. Je traversais, il y a 15 ou 16 ans, la Méditerranée, quand le bâtiment qui me portait fut assailli par une tempête. Pendant cette nuit lugubre, où il semblait à chaque instant que nous fussions sur le point de sombrer, un grand paquebot, l'Atlas, ayant déjà coulé à pic, à quelques kilomètres de nous, j'observais un groupe d'officiers anglais revenant des Indes. C'étaient de ces joyeux compères qui se vantent de ne croire ni à Dieu ni à la vie future. Pourquoi les voyait-on si pâles et si tremblants? Pourquoi ces incrédules se prenaient-ils à réciter des prières? La mort avait-elle des terreurs pour ces guerriers? Nullement. Et au milieu d'une bataille, enivré par l'odeur de la poudre et le son des trompettes, il l'aurait affronté en chantant. Mais il faisait un temps à dissiper toute ivresse. La mort les regardait en face, et leurs facultés surexcitées leur montraient derrière la mort les terreurs du monde invisible. Un cas remarquable de ce phénomène de clairvoyance se présente parfois au moment où la vie physique va s'éteindre. Je l'ai observé bien des fois, toujours avec saisissement. Voici un homme couché sur son lit de mort. Pendant sa vie, il a nié le monde invisible. On l'a maintes fois entendu redire avec un accent de sincérité qu'après la mort, tout est mort. Il semble qu'au moment d'entrer dans ce repos éternel du néant, qu'il a peut-être longtemps souhaité, il ait le droit d'être tranquille. Il ne l'est point toujours. Son regard se fixe obstinément sur cet au-delà auquel sa raison refuse de croire, et la vue de cet abîme inconnu lui donne le vertige. 9 fois sur 10, cet incrédule fera appeler un ministre de la religion. Est-ce lâcheté? Mais cet homme, je le connais, ce n'est pas un lâche. Il lui faut du courage pour donner le démenti à sa vie entière, et cela peut être en présence de ses vieux camarades. L'explication de ce phénomène, la voici. Ce moribond a senti son être se dédoubler. Tandis que son organisme physique se dissolvait, ses facultés morales conservaient leur vitalité. Peut-être même, ses perceptions sont-elles devenues d'autant plus vives que son corps s'affaiblissait davantage. Il n'a plus qu'une goutte de sang dans les veines, son souffle se ralentit. Dans quelques instants, il aura cessé de vivre. Mais son moi persiste, il se sent aussi vivant, plus vivant que jamais. Le malheureux prévoit qu'il va survivre à la destruction de son corps. Ainsi, quand la nature psychique a été pendant la vie un obstacle au libre déploiement des facultés de l'esprit, il arrive parfois qu'au moment où la chair défaut, l'esprit reprend sa liberté. Ses yeux s'ouvrent et il plonge un regard éperdu dans ce monde de l'éternité dont il n'avait peut-être pas même soupçonné l'existence. Au surplus, il n'est pas absolument nécessaire d'attendre l'heure suprême pour faire connaissance avec ce monde-là. J'en ai vu pour preuve que l'aveu échappé, longtemps avant sa mort, au plus illustre disciple d'Auguste Comte. L'immensité, tant matérielle qu'intellectuelle, tient par un lien étroit à nos connaissances et devient par cette alliance une idée positive et de même ordre. Je veux dire qu'en les touchant et en les bordant, cette immensité apparaît sous son double caractère, la réalité et l'inaccessibilité. C'est un océan qui vient battre notre rive et pour lequel nous n'avons ni barque, ni voile, mais dont la claire vision est aussi salutaire que formidable. Auguste Comte et la philosophie positive. Ce passage est instructif à plus d'un égard. Littré n'était pas aussi aveugle qu'il voulait bien le dire. Il a eu ses heures de claire vision ou de clairvoyance. Qui dira si là n'est pas le secret de cette conversion in extremis qui a si fort scandalisé ses anciens amis? Mais il se trompait en affirmant que nous n'avons ni barque ni voile pour traverser le grand océan. La conscience est une barque sûre, et pour y monter, pour passer du visible à l'invisible, n'avons-nous pas une planche, une vraie planche de salut, l'hypothèse scientifique? Quand nous avons voulu expliquer le mystérieux phénomène de la pesanteur, nous avons eu recours à une hypothèse, l'attraction moléculaire. Nous avons agi comme si cette hypothèse était la vérité, et à l'épreuve, il s'est trouvé qu'elle expliquait d'une manière satisfaisante le phénomène de la chute des corps. Nous en avons conclu à la réalité de cette loi, qui a suffi aux astronomes pour affirmer l'existence de planètes invisibles perdues dans les profondeurs de l'espace. Or, il se passe dans le monde des phénomènes aussi constants que celui de la pesanteur et qui n'ont rien à faire avec les principes des lois naturelles. Aucune loi physique, n'en déplaise à Spencer, ne rendra raison de la vertu ni de la persistance au travers des siècles de la notion de devoir. Le sentiment de l'obligation ne s'explique que par l'existence d'un être suprême, auteur de la loi du devoir. Pour la raison, ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse logique, nécessaire, attendu qu'il n'est pas dans l'ordre des choses qu'on soit obligé envers une idée ou envers rien du tout. Quoi dès lors de plus scientifique que d'agir comme si cette hypothèse était l'expression de la vérité? Quoi de plus scientifique que de pratiquer la justice et la charité dans l'hypothèse que ce sont des lois édictées par un être souverain qui est lui-même justice et charité? Nous croyons qu'il suffit de faire cette expérience sérieusement pour entrer dans le domaine des choses invisibles et se trouver soumis à l'action des lois qui le régissent. Alors, les prétendues chimères deviennent des vérités d'évidence devant lesquelles l'esprit humain, qui est fait pour elles et qui les reconnaît, s'incline avec bonheur. Libre à lui, désormais, de les étudier, de les analyser, de les classer, d'en préciser les relations, d'en déterminer les lois, et d'en faire ainsi, à l'aide de sa raison rentrée en exercice, l'objet d'une science à laquelle Littré lui-même ne refuserait pas le nom de positive. Ainsi s'achève Le monde invisible par Auguste Glardon.